Metal Express avec Eric. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h et ce soir donc dans le Metal Express, ce sera le spécial Metal 80 comme chaque lundi du premier du mois. Je vous rappelle que vous nous écoutez donc sur Radio Heavy Metal, il y a des partenariats radio, il y a Radio Fréquenzik, Indie Spirit et Canal Fuzz Radio. Radio Heavy Metal a également sa page Facebook, vous pouvez aller y faire un petit tour, et il y a également une page Facebook Metal Express maintenant. Vous pouvez également faire un petit tour, un petit like à ces deux, ça fera plaisir à nous. Si vous avez envie de nous écrire, n'hésitez pas également, un petit message, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que cette émission sera donc en podcast demain soir, voire demain midi. Mais je pense que ce sera plus demain soir. L'émission, donc, c'est parti pour 2 heures de Hard Rock Metal 80. On va commencer donc avec Judas Priest, extrait de l'album Living After Midnight, sorti en 1980. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Breaking the Lord. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous, jusqu'à 21h. Breaking the Lord, Judas Priest, donc à l'instant dans le Metal Express. En attendant, voici Saxon avec le morceau Broken Heroes, extrait de l'album Innocence is No Excuse. We'll be right back. Ce morceau, donc Broken Heroes de Saxon, est sorti donc en 1985, le 24 juin, donc pour être précis, extrait de l'album Innocence is No Excuse. En attendant, voici Pantera avec le morceau Power Metal, extrait également du même nom de l'album sorti en 1988, donc ça fait 30 ans. Yeah. Voilà, donc c'était Pantera avec le morceau Power Metal. Power Metal, donc, est le quatrième album du groupe Pantera. Il est également le premier album avec Phil Anselmo. En attendant, voici Amaranth Scent. Et ce morceau qu'on va écouter s'appelle Chemical Euphoria. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Et c'est le spécial Metal 80. s'appelle I'm Rancent. Le morceau qu'on a écouté, Chemical Euphoria, est extrait de l'album Raising Fear, sorti en août 87. Et donc, un petit jingle, voilà, tout simple. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici Ozzy Osbourne. Ça s'appelle donc Bloodbath in a Paradise. Bonne écoute! We'll be right back. No Rest for the Wicked, extrait de cet album avec le morceau Bloodbath in Paradise. Donc c'était Ozzy Osbourne. Allez, voici un groupe lillois qui s'appelle Stox. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Cocaïne avec une reprise de Didi Cole. Avec Cocaïne, extrait donc une reprise de Gigi Cole, un excellent morceau. Allez, maintenant voici la belle Pat Benatar. On écoute Shadows of the Night, cet extrait de l'album Get Nervous, sorti en 1982. Yeah. said you can't hide on the inside all the pain you've ever felt. Ransom my heart. Metal Express et le spécial Metal 80, la belle Pat Benatar avec Shadows of the Night. Allez, voici Autographe et ça s'appelle Stuff's the Stuff. We'll be right back. The Stuff, le deuxième album studio donc du groupe Autographe. Il est sorti donc en 1985. Allez, voici en attendant Queensryche. On écoute le morceau Operation Man's Crime. We'll be right back. Operation Man's Crime, donc à l'instant dans le Metal Express. Il est sorti donc en 88, le groupe de Seattle, Queensryche. En attendant, allez, voici Zodiac Mind Warp avec Planet Girl. Ça arrive tout doucement. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, Fréquence Zik, Indie Spirit et Canal Fuzz Radio. Spread my disease all over the place. She's a slip by the dirtiest fashion thing. She kisses my skin like an angel's wing. Tu as un groupe de métal? T'aimerais qu'il soit diffusé? Pour ça, contacte Radio Heavy Metal sur Facebook. Et oui, rien de plus simple. Donc, vous nous contactez sur la page Facebook Radio Heavy Metal ou bien sur la page Facebook Metal Express. On attend, voici Iron Maiden, ça s'appelle Prowler. Got premier album donc d'Iron Maiden, Prowler, et ensuite vous connaissez la suite, Iron Maiden, un très très grand groupe. En attendant, voici Foreigner, ça s'appelle Toussanel. Je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, donc c'est le spécial Metal 80, donc du Metal Express, et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Album 4 donc de Foreigner, sorti en 1981, sur lequel figure donc le tube Urgent. Donc à l'instant, on a écouté Toussanel. Allez, on ne les présente plus, voici Metallica, Master of Puppets. We'll be right back. Et tout de suite, les dédicaces. Et oui, oui, donc les dédicaces, et donc la première, donc c'est une fidèle, c'est Valérie Robas. Donc elle demande Vixen avec le morceau Rev It Up, suivi de Bonfire avec American Nights et de Motley Crue, You're All I Need. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. No. dans l'ordre, donc on a eu Vixen avec Rev It Up, suivi de Bonfire avec American Nights. Et à l'instant, donc c'était Motley Crue avec You All I Need. Ça a été demandé donc par Valérie Robas, une fidèle de Radio Heavy Metal et bien sûr du Metal Express. Donc je l'embrasse très, très fort. Donc, prochaine dédicace, c'est Bruno de Saint-Thé qui m'a demandé Sepultura avec le morceau Mass Hypnosis. Voilà donc Mass Hypnosis, le groupe Sepultura, donc ça a été demandé par Bruno de Sainté. En attendant, voici Metal Church, ça s'appelle Watch the Children Pray. Ça a été demandé donc par Lou pour sa copine Caro de Angers. I know somewhere there's a hidden door. le groupe Metal Church avec Watch the Children Pray. Ça a été demandé donc par Lou pour sa copine Caro de Angers. Prochaine dédicace, pardon, c'est GG pour tous les barbus. Ah, il y en a un paquet, hein. C'est ZZ Top, ça s'appelle Planet of Woman. On écoute. Ça a été demandé donc par GG pour tous les barbus. Il y en a un paquet. Le groupe ZZ Top, donc, avec Planet Woman. Allez, une autre des dédicaces qui m'a été demandée par Monique de Bordeaux. Voici Kiss. Ça s'appelle I Love It, Lord. Down! demandé par Monique de Bordeaux, donc le groupe Kiss, I Love It Lord. On va écouter jusqu'au bout ce petit morceau sympa. Allez, ça, c'était demandé par Roland. C'est AC/DC et ça s'appelle Hitseeker. Allez, voici Motorhead, ça s'appelle Overkill, et ça c'est pour Pierrot de Join-les-Pins. Il a la chance, il est en vacances. Only way to feel the noise, man, it's gonna loud. So good I can't. Voilà, donc c'était Motorhead avec Overkill. Ça a été donc demandé donc par Pyro qui est de Jouant-les-Pins et qui est en vacances pendant que d'autres travaillent. Monsieur Pyro. Allez, ça je vais le dédier à Jojo Roses car l'autre jour il a mis un petit com des Twisted Sisters en parlant du Metal Express. Donc ça c'est pour toi Jojo Roses. Voici Twisted Sisters, The Beast. Your wildest nightmares come The Beast, ça a été... Bah, c'est tout... Tout moi, quoi, c'est moi qui ai donc dédié ce morceau à Jojo Loisis. C'était Twisted Sister. Voici Bon Jovi avec Breakout. Ça a été demandé par Gaël de Paris. We'll be right back. vous rappelle donc que vous êtes dans le Metal Express et que c'est le spécial Metal 80. À l'instant, donc, c'était Jon Bon Jovi avec Breakout, demandé par Gaël de Paris. Prochaine dédicace, ça m'a été demandé par Steve Test. Il me le demande Testament avec Alone in the Dark. Alors, on écoute Alone in the Dark, Testament. Voilà, donc c'était Testament avec le morceau Alone in the Dark. Ça a été demandé par Steve Test. Allez, dernière dédicace, c'est Duck Hunt. Ça a été demandé par Daniel pour Christelle, sa femme. Donc, on écoute Duck Hunt avec Tooth and Nail. Tussanel. Le groupe Dokkens a été demandé par Daniel pour sa femme Christelle. Donc... Voilà, malheureusement, il est l'heure de nous quitter. Et oui, ça passe vite, 2 heures. Le prochain, donc, spécial Metal 80 sera le 4 juin. Prenez note. Le 4 juin. Quant à nous, donc, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission du Metal Express. Vous connaissez maintenant les heures. C'est 19h-21h. Je rappelle que Radio Heavy Metal donc a sa page Facebook. Vous pouvez aller y faire un petit tour et puis également maintenant la page Facebook Metal Express. Donc si vous avez envie de me laisser un message, n'hésitez pas, il y a ces deux Facebook. Vous choisissez Radio Heavy Metal ou le Metal Express. Je rappelle donc que cette émission sera en podcast demain. Soit demain midi, soit demain soir. L'émission sera donc également rediffusée sur Canal Fuzz Radio mardi à partir de 20h jusqu'à 22h et également sur Radio Fréquence Zik, mais ça ce sera dimanche à partir de 21h jusqu'à 23h. Nous avons également une boîte mail que je vous donne, c'est radiohevymetal76@gmail.com. Vous avez envie de passer à l'antenne, n'hésitez pas à me contacter ou nous contacter et vous passerez sans problème dans le Metal Express. Allez, moi je vous dis à ciao, très bonne semaine, bye !